corps. Ingénieur du son, Néné. 13e art musique, la rue scolarisée. Peu de culture, mon cœur je n'ai qu'à danser, plus de rupture. Ma petite sœur veut se maquiller un jour, j'irai que je lui verse le fond de peinture. Quant à toi, t'as pris l'habitude, tous les jours tu lui mènes la vie dure. Je crois bien faire mais tu t'y prends mal, il faut que l'endure si roi tes coups de ceinture. La preuve elle était avec moi au télé, on était posé avec deux trois pélos. C'était une soirée un peu pompée, l'op, elle a fait la pénélope, elle aime tranquille l'homme. Ouais. Non, c'est pas de ma faute, sans aucun effort. Ouais, je pèse les faux et j'ai fait des fautes. Ouais, non, c'est pas de ma faute, sans aucun effort. Je fais des métaphores et des méga flops. Ouais, bye, bye, bye. Ton rap est mort, déclare fight. Bye, bye, bye. Ou je te braque à la Redouane fight. Bye, bye, bye. Ton rap est mort, déclare fight. Bye, bye, bye. Ou je te braque à la Redouane fight. Bye, bye, bye. Fou, fou, fou. Allié. Maillé, maillé, maillé. On veut pas le Cayenne, Cayenne, Cayenne. On veut la villa au bol du Bayern. Je viens d'arriver, y'a pas de retour. Ça marche pas, je repique avant pas de ma tour. Je viens d'arriver, y'a pas de retour. Ça marche pas, je repique avant pas de ma tour. Ouais. Quelle tristesse quand je vois la concurrence autour. En finesse, j'arrive doucement, je vous la fous. Tu parles de Bendo, dis-moi t'es qui. Ce que je veux, c'est quitter le ghetto. Je suis énervé depuis la tétine. Le son est long, on va te casser le dos. Bye, bye.